Chapitre 18e. Louis regardait Victor en riant. Il se dressait là, dans toute son élégance récente, se disant que les millionnaires de hasard, comme Victor et lui, ressemblaient étrangement aux augures antiques et ne pouvaient se contempler sans un peu de gaieté. « Eh bien, Vittorio mio, comment va ?» Ce n'était plus le dédaigneux d'autrefois, à peu près content de tout, narquoisement occupé à railler ses contemporains et à prendre la vie comme elle est, faute de mieux. Il laissait volontiers échapper un soupir satisfait, comme un homme las de trotter et qui a trouvé un bon fauteuil. Il s'étonnait lui-même de la transformation complète qui peut s'opérer tout à coup dans le tempérament d'un individu qui n'est pas un sot et qui d'habitude domine sa propre destinée. Il découvrait qu'il était né pour la fortune. Une prédestination que je dois partager avec beaucoup d'autres contemporains qui n'ont pas le plaisir d'avoir pour oncle un bonhomme comme Sylvain Ducret. Il avait d'ailleurs une façon à lui de bénir la libéralité de Ducret. « Je suis si content à présent, disait-il, que si le vieux Sylvain revenait au monde et me disait « Ôte-toi de là que je m'y remette, je ne serais pas sûr de ne pas l'étrangler, pour ce qu'il était utile. » Il riait, Louis, en disant cela, et en arrivant se planter devant Victor. Il conservait son air railleur, et il allait commencer une de ses plaisanteries qu'il faisait volontiers, sur le plaisir d'avoir à peu près 840 francs à croquer par jour, ce qui après tout n'est pas énorme, disait-il, car l'appétit vient en mangeant. Ribert l'interrompit brusquement et Louis fut un peu étonné en le voyant si pâle. Qu'est-ce que c'était donc que ce papier que Victor tenait à la main ? Assieds-toi, Louis, et lis. Lire, quoi donc ? Victor lui montra une place à côté de lui sur le banc et lui tendit la lettre. Il semblait au peintre que les doigts de son cousin tremblaient. « Que je lise !» Il avait pris la lettre de l'oncle Ducret et, s'asseyant comme le voulait Victor, il se mit à lire en devenant tour à tour rouge comme une braise et blanc comme le papier. Il lut, il relut, il ne croyait pas à ce qu'il lisait. Il s'interrompait. De grosses gouttes de sueur montaient à son front qu'il essuyait. Puis, lorsqu'il eut fini d'épeler ses lignes écrasantes, il laissa échapper un cri de colère, la poitrine gonflée et la gorge serrée. « Ah, ce Ducret, ce Ducret !»« Eh bien ?» dit Victor froidement en reprenant le papier que Louis allait froisser de rage. « Eh bien ?» répéta le peintre. « Qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant ?» Ribert le regarda droit dans les yeux hagards, dans un visage convulsé. « Comment ce que je vais faire ? » dit-il simplement. « Je vais aller porter ceci chez Maître Aubouin. » Le notaire. Hein? Eh bien, et moi? Tu m'accompagneras, dit Victor. Aujourd'hui? Ou demain? La voix de Victor était brève, sourde, pénible évidemment, mais résolue. Le peintre écoutait, s'est élevé, regardait Paris du haut de la terrasse, battait machinalement du bout de ses doigts une marche sur la pierre de la balustrade, le regard perdu dans cet horizon où le soir tombait. Tout à coup, il se retourna vers Ribert, assis sur le banc et qui tenait toujours, comme une arme de mort, cette lettre de l'oncle Sylvain, et brusquement il lui dit d'un ton qui, instinctivement, donna le frisson à celui qui écoutait. « Victor, quoi donc ? Je n'ai pas d'enfant, moi, tu sais. » Louis avait un accent bizarre. « Tant mieux, » dit Victor. « Toi ?» Louis le regardait en face, lui enfonçait sa parole comme un couteau. « Toi ?» « Tu as une fille. »« André ?»« Oui, » répondit fièrement Ribert avec un âpre orgueil, où il y avait une bravade au malheur. « Mais André, c'est moi. » Louis haussa les épaules. Il contemplait cet homme assis là, livide, avec une sorte de terreur et de compassion. Il lui semblait que le sort venait de commettre une action méchante. Il atteignait deux innocents. Il frappait au cœur des êtres qui venaient de s'habituer au bonheur et que ce caprice de Ducret, après leur avoir donné l'illusion de la joie, allait tuer, tuer brutalement, assassiner. Le premier mouvement de Victor avait été l'obéissance douloureuse, résignée. Le premier mouvement de Louis était la révolte. « Voyons, voyons, il n'est pas possible que tu rejettes d'un coup ta femme et ta fille dans une ruine dont tu ne sens pas, toi, toute l'horreur possible. « Tu crois ?» dit amèrement Victor avec un sourire de martyr. « Eh bien !» Si tu l'as redouté, cette ruine-là serait 100 fois plus atroce à présent. Je mets André à part. C'est une petite spartiate. Mais Geneviève, ruinée ? Geneviève, pauvre, vois-tu cela? Demande-toi et réponds-toi-même ce qu'elle va souffrir. » Victor était stupéfait. Il levait ses yeux effarés vers cet homme, debout devant lui, allant et venant sous le berceau de rose et l'ombre du tilleul. Et à mesure que Louis parlait, l'anxiété de Rivert croissait comme un étouffement dans une nuit d'angoisse. « Mais voyons, Louis, voyons. Qu'est-ce que tu dis là? Quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu veux ?»« Eh !» dit brusquement le peintre. « Je veux que tu pèses bien le parti que tu vas prendre. Suppose une chose. Tu ignores que ce papier existe. Bon. Et tu continues à jouir de ton héritage. Bien. À qui cela fait-il du tort? Au Guillemard? Quel tort! Et Saint-Or, il crève de fortune. Louis! Qu'est-ce que c'est pour Guillemard que le chiffre du legs de ce vieux braque de Ducray? Rien. Il gagne ça d'un coup de crayon, en une journée, avec un emprunt quelconque. Ce papier te fait pauvre comme Job et ne le fait presque pas plus riche. Voilà la situation. » Victor Hibert éprouvait une impression d'effarement presque sinistre à entendre là, tout à coup, celui qu'il regardait comme le plus brave garçon de la terre raisonner ainsi, lui jeter au visage ces paradoxes qui sentaient la malhonnêteté. Il s'était donc habitué bien vite au luxe, ce dédaigneux qui vivait hors du monde et laissait ses chimères s'envoler avec la fumée de son cigare. Il avait donc mordu bien vite aux fruits nouveaux, ce philosophe qui disait autrefois en riant « À 20 ans, j'avais pour 20 milliards d'illusions et c'est la vraie fortune. » Il avait bondi, là, dès la première minute, se cabrant sous la révélation brutale, se hérissant comme un chien à qui l'on peut reprendre l'os qu'il dévore. Lui, Louis, le cœur le plus droit, malgré ses plaisanteries de sceptique. Victor l'avait vu tout pâlir au nom d'Olivier Giraud et de Raymonde. Il avait laissé échapper un ricanement de colère. Ce Ducray, voyez-vous, ce Ducray qui s'avisait de marier la jeune fille comme cela, par un caprice d'outre-tombe, parce qu'il lui donnait sa fortune. Et Louis avait eu l'envie de déchirer avec ses dents et d'envoyer au diable la lettre stupide, méchante, car elle était méchante, de l'oncle Sylvain. Et du premier coup, il résistait. Il conseillait à Victor de n'en pas tenir compte. Raisonnons. Qu'est-ce que c'était en somme que ce chiffon de papier? Ribert regardait le peintre avec un certain effroi. Il eût voulu que Louis lui répondît brusquement. « Tu veux aller chez Maître Auboin? Nous irons chez Maître Auboin. » « Mais non, » Louis répliquait en disant. « Si ce papier n'existait point, à qui cela ferait-il du tort? À personne. » « Quand cela serait ?» répondit brusquement le négociant. « Quand Guillemard serait 10 fois, 100 fois plus riche encore. Notre fortune est à sa fille, le fait est là. Tu demandes quel tort nous ferions, ce tort réel, irréparable, Louis. Nous le ferions à Olivier Giraud, que ce testament peut enrichir, et dans tous les cas, nous le ferions à la conscience et à l'honneur. » Il s'est élevé, regardant Louis qui ne bougeait pas. « Allons, allons, mon cher Louis, » dit-il presque sévère, et en réalité effrayé. « Tu n'es pas dans ton bon sens. Ce réveil brusque, cette confiscation de notre joie par ce mort, cela t'écrase. Tu ne vois pas clair, tu es troublé, je t'assure. Reviens à toi, mon cher ami. Le saisissement passé, tu sauras où est le devoir. » « J'avoue que c'est un rude coup sur le crâne, » dit le peintre, la voix amère, essayant de rire. « Une massue, ce papier-là. Eh bien, remets-toi, remettons-nous, Louis. Soyons nous-mêmes, vois-tu. Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre ami? C'est comme un ouragan qui a tout jeté à terre. Ça n'avait pas d'assise, notre bonheur. C'était du sable. Ce qu'un caprice de Ducray nous avait donné, un caprice de Ducray nous le reprend. » Et si dans tout cela il existe un droit, c'est celui de Ducray. « Eh, Ducray, Ducray !» s'écria brusquement Louis, presque farouche. « Ducray n'est plus là, il est mort, Ducray. Louis, Louis, qu'est-ce que c'est que ça ?» ajouta le peintre avec colère, en regardant la lettre que Victor tenait toujours à la main. « Une espèce d'aberration posthume, un trait de folie. Il était fou, Ducray, littéralement fou. » Au dernier moment, la tête a craqué, et il a griffonné ça. Est-ce que ça a une valeur, ça? Qu'est-ce que c'est que ce testament? D'où cela sort-il? Ducray l'avait mis dans un meuble acheté par Raymonde à sa vente. Par Raymonde? C'est elle qui m'a porté la lettre tout à l'heure. Quelles histoires! Un testament fantastique, un chiffon de papier, rien. Comment ne l'a-t-on pas trouvé 100 fois? C'est une bêtise, ce testament. Ce n'est rien du tout. Nous l'avons eu, le vrai testament. Celui-ci est faux, absurde, idiot, non avenu. Il est écrit tout entier de la main de Sylvain Ducret, dit Victor, dont la voix tremblait. Qu'est-ce qui me le prouve? S'écria Louis. Écriture tremblée, qui n'est peut-être pas celle de l'oncle Sylvain. Ah, parbleu, on a vu des faussaires, n'est-ce pas? On en a vu. Il se planta brusquement devant son cousin et s'interrompant. Enfin, bref, tu veux rendre l'héritage, dit-il en ricanant. Tu le demandes? Eh bien moi, tu entends? Je ne veux pas le rendre, moi. Ribert s'était redressé et boutonnant machinalement son paletot, la voix forte. Soit. Quant à moi, les miens dussent-ils en souffrir plus encore qu'ils n'en souffert? Dussé-je faire je ne sais quoi contre toi pour t'empêcher de commettre ce qui serait une infamie? Je ne garderai point ce qui n'est pas à moi, tu entends, Louis? Et je t'empêcherai de le garder. Ah, tu n'es qu'un fou, dit Louis en haussant les épaules. Et si tu te laissais, toi, aller à la folie, tu ne serais qu'un malheureux. Et après, fit brusquement le peintre en se campant devant Ribert, les bras croisés, tout son fin visage, narquois d'ordinaire, enflammé d'un prurite bizarre. Il me déplaît, moi, ce testament insensé qui donnerait Raymonde, une jolie fille rieuse, à ce monsieur Giraud, qui est triste comme un bonnet de nuit, et par-dessus le marché se trouve être quoi? Le petit-fils du jardinier de l'oncle Ducret. Olivier est un être d'élite. S'il épousait Raymonde, l'honneur ne serait peut-être pas pour lui. Ah, bah, c'est possible. Et je sais qu'un bêcheur de terre vaut n'importe qui. Je ne suis pas si aristocrate que ça. Mais sans compter qu'il ne tient peut-être pas à épouser Raymonde. Je me moque d'Olivier. Je suis satisfait, je veux rester satisfait. Je n'ai pas tué le mandarin, comme nous disions autrefois, mais enfin il est mort, le mandarin. Tant pis pour lui, je n'y suis pour rien. Ni coup de pouce, ni strychnine, n'est-ce pas? Et il m'a laissé son argent, le mandarin. Et il m'a fait riche. Et ça m'amuse d'être riche, moi. Si je n'avais pas hérité, si je n'avais pas manié cet argent-là tombé du ciel, venu du diable, arrivé de la Chine, certainement non, je ne me serais pas plaint. Je me trouvais parfaitement heureux dans ma situation. Je n'avais fait mon cadre. Je n'avais tiré ma philosophie, ma pose, si tu veux. Ça me suffirait, la rue Torlac, les coins grimpants de Montmartre. Et après y avoir vécu sans broncher, j'y serais mort en blaguant la richesse. Oh, crânement! Je ne savais pas ce que c'était. Mais maintenant que je suis riche, qu'il m'a fait riche, l'autre. Ma parole, je ne vois plus le passé qu'à travers la gêne. Brrr. Je n'y vois que la comédie du dédain, dissimulant la soif de tout ce qui est bon. C'est facile de se passer d'un mets dont on n'a point tâté. Il n'a pas de goût puisqu'on l'ignore. Mais quand on y a mis là-dedans, vois-tu, cousin, c'est plus dur. Et si elle me plaît, à moi, cette vie de paresseux élégant que je viens de passer sur la plage? Et si je veux garder mes tailleurs anglais? Et dans ces vêtements à la mode, mes poches pleines et mon goût s'est garni? Et si je m'aperçois que pour dissimuler mes 40 ans prochains, 38, c'est tout comme. J'ai besoin de ce luxe et des millions du vieux Ducret, qui vous ôte des cheveux blancs à mesure qu'il vous donne des rides jaunes. » Il gardait encore, dans cette sorte de colère et de jactance, dans sa fanfaronnade de révolte, le pittoresque gouailleur de ses mots d'habitude. Il stupéfiait Ribert. « Oui, oui, tu me regardes, là. Et si je veux plaire, moi, à qui? Ce sont mes affaires. Mais j'ai tout un arriéré d'envie à journée. » Et ma jeunesse me remonte au cœur. Flambée d'automne, ça m'amuse. Et tu veux, toi, tu prétends m'arracher des mains ce que le hasard, non, pas le hasard, la volonté de ce mort, y a mis? Allons donc. À l'heure où sa cervelle n'est pas fêlée complètement, l'oncle Ducret a voulu me faire riche. Il l'a voulu formellement. J'ai reçu mon héritage, j'y ai goûté, je le tiens, je le garde. Toi, Louis, dit Victor effaré, toi, capable d'une lâcheté comme les autres. Comme l'humanité, mon cher, répondit le peintre, riant d'un mauvais rire, d'un rire qui déchirait le cœur de Ribert. Il souffrait de l'entendre, son cousin, fraternellement aimé. Les ironies, les défis de Louis lui faisaient mal. En l'écoutant, il doutait de tout, des honnêtetés qui étaient sa vie, de la droiture de cet homme dont une heure auparavant il lui eût répondu comme de lui-même. Non. Certainement non, ce n'était pas l'argent. Le misérable argent de l'oncle Ducret qui transformait, déformait, retournait aussi complètement comme un grand sale la conscience même de lui. Il y avait une autre cause à cette métamorphose navrante. Eh, parbleu, il y avait une femme. Quelque misérable fille tordant vit dans l'artiste comme une proie. Un Ribert ne serait pas devenu ce vil plaideur de basse argutie s'il n'y avait pas eu une créature odieuse pour assourdir sa conscience. « Ce n'est pas toi qui as saisi des insensés !» s'écria durement Victor. « Pas moi ? Si fait bien ! En vois-tu, moi ? J'en ai assez du don quichotisme inutile et du désintéressement bête. Je suis comme les autres, oui. Comme un marquis de Lansac ou comme un Lacoste, avec de l'aplomb, du bagou, de la sottise et de l'argent. Ou plutôt avec de l'argent tout simplement, car ça donne tout le reste. On se moque de tout. Fais comme moi !» Toi aussi, parbleu, sois comme les autres, et sois de ton temps. Moi, oh moi, fit Ribert, moi mon parti est pris, mais écoute-moi, Louis. Comprends-moi donc, mon ami, gardez cela, ce sera un crime. Voyons, on ne peut pas hésiter, tu n'hésites pas. Rends-moi mon Louis d'autrefois, et restons de braves gens. Et des gueux, dit Louis, qui riait. Tu as assez de talent pour vivre, tu feras comme moi, tu travailleras. Trop long, ce moyen-là, et qui vient trop tard. Et puis du talent, j'en ai comme 500 autres qui crèvent la faim, et la peinture m'ennuie. J'ai mordu au million, c'est très bon, j'en veux encore. Ah, ce serait farce, par exemple, de redevenir un pauvre diable à présent et de faire des courses pour Raymond, n'est-ce pas? Qui me donnerait tant pour cent sur les bibelots que j'achèterais rue de Lappe pour son hôtel de la rue d'Offémont? Eh bien non, non, ma foi non. Il paraît que je n'étais qu'un faux résigné, un faux satisfait, un hypocrite de petit bonheur. Je n'ai pas assez de vertu pour en revenir à ma vie d'hier. Et j'ai suivi le courant, puisque courant il y a, dans le mouvement, jusqu'au cou. Je disais tout à l'heure que je ferais bâtir, oui. J'ai acheté hier un terrain avenue de Villiers. Tu le revendras. Merci, ce qui est fait est fait. Donne-moi ce papier. Ce papier, pourquoi? Pour le déchirer, parbleu. Victor serra dans sa main la lettre du vieux Ducret. « Mais tu es fou, je te dis, Louis. Raisonnons !» fit le peintre, en affectant une froideur qu'il n'avait pas, toute la fièvre de son cerveau lui montant aux lèvres sous forme d'ironie. « Tu crois que tu peux vivre sans le milieu de l'oncle, toi ? Pas plus que moi ?» Avec une bravoure douloureuse, la voix déchirée, mais vaillante, Victor répondit « Tu verras bien. »« Eh bien toi, personnellement, c'est possible. » Et ta fille aussi, puisque tu dis qu'André, c'est encore toi. Tu as raison, mais ta femme. Ribert tressaillit. Des pieds à la tête, il eut un frisson. Au cœur, un serrement le prit comme une main qui se fermerait. Geneviève? Va donc lui demander ce que tu me demandes à moi. Va donc lui dire de t'accompagner chez Maître Auboin. Elle te suppliera de la laisser vivre, car si tu la condamnes à la misère, de ta propre volonté, ta Geneviève, tu la tues. Ce n'est pas vrai. « Tu calomnies, Geneviève. Va lui avouer que tu peux lui conserver sa richesse et que tu la lui perds. Elle te criera grâce. »« Non, non, non. Tu crois donc qu'elle est comme toi ?» dit Victor avec colère. « Elle est bien pire que moi puisqu'elle est femme. Ah ça, mais tu ne vois donc rien, toi ? Tu es donc comme tous les maris, aveugle et niais. Elle est jolie, Geneviève. Elle est belle même. Est-ce que tu crois qu'une femme comme elle, née pour ce luxe que tu peux lui donner à présent, supportera le collier de misère auquel elle a échappé par miracle ? Tais-toi, Louis, dit sourdement le malheureux, que cette fois on touchait au cœur, au profond du cœur, en pleine chair. Il revoyait avec effroi la pâleur de morte de Geneviève, ce soir où, des lèvres de la jeune femme, la mère secrète est sortie, comme un sanglot, comme un flot de sang. Il l'entendait encore, avec cet implacable égoïsme des femmes déçues, l'accuser, le menacer, presque le maudire. Et comme si c'eût été l'accompagnement ou le résumé des affreuses paroles de Louis, ce cri de Geneviève pauvre, de Geneviève misérable, lasse, à bout de force, révoltée, lui revenait à l'oreille. « Eh bien, vous trouvez tout malhonnête, vous ?» Une épouvantable tempête grondait aux tempes de Ribert. Il s'appuyait maintenant à la balustrade pour ne pas tomber. Il sentait que s'il eût voulu marcher, il eût chancelé, il l'étouffait. Louis aussi, poussé, affolé par une image de femme, une jolie rousse rieuse avec des frisons d'or. Louis, s'assourdissant par ses propres cris, devinait bien que c'était en parlant de Geneviève, seulement en parlant d'elle, qu'il mettrait le doute dans son esprit, dompterait cette volonté, éteindrait cette conscience. Il était d'autant plus âprement éloquent que ce qu'il disait, il le pensait. Il lisait clairement dans l'âme troublée de Geneviève, il devinait ses angoisses d'autrefois, sa quiétude d'aujourd'hui. Il avait surpris entre elle et Guillemard des regards qui l'avaient étonné. « Écoute-moi, Victor, dit-il. Ta femme t'aime, oui, mais on l'aime aussi. Qui ? Personne. Mais elle est assez jolie pour que tout le monde la lui dise. Heureuse ? Bah, on peut lui chanter tout ce qu'on voudra, elle t'adore. Mais pauvre ? Ah, pauvre, on épiera ses combats, on comptera ses souffrances. Oh, ce n'est pas une romaine. Tais-toi, dit violemment Victor, épouvanté. Par-delà des allées bordées de gazon, par-dessus les touffes des fleurs, à travers les roses du berceau et les brindilles de la vigne vierge, un rire clair, un joli rire perlé de femme heureuse, arrivait maintenant jusqu'à ces deux hommes éperdus. Victor, pâle comme un mort, Louis, enfiévré, le teint ardent et l'œil hagard. « Geneviève ? » balbutia Rivert. On entendait des bruits de pas sur le sable, le craquement des talons des promeneurs. À travers les feuilles épaisses, Louis essayait de voir au loin et il apercevait la jupe claire d'une femme qui marchait, frôlant les pelouses. Un jeune homme à côté souriait, se dandinant, Edmond Lacoste et Geneviève. Et à quelques plaisanteries du peintre, Madame Ribert gaiement riait de son joli rire retrouvé de jeune fille. Il flirte, le Lacoste, il perd son temps car elle est heureuse et elle t'aime. Tais-toi, tais-toi, tais-toi, répéta Victor avec colère. « Je t'en prie, » répondit Louis une dernière fois, « je t'en prie, attends un peu. Pas de précipitation. Cherchons, voyons, réfléchis, je t'aiderai. Il y a peut-être quelques combinaisons à trouver. Une affaire productive qui nous permettrait par exemple de rembourser tout sans que pas un de nous, pas un des tiens, n'en souffrit. Est-ce qu'on sait ? Ça se rencontre, ça. Mais quand on a de l'argent, seulement quand on a de l'argent, ne jette pas ton arme, le capital. Attends un jour, deux jours, personne ne crie, personne ne réclame. Ne me dis plus rien, rien, tu entends ? Ribert était devenu sombre. Il regardait devant lui, maintenant, les yeux perdus avec les prunelles d'un fou. Je comprends bien, mais aujourd'hui, continuait Louis, nous ne pouvons pas aller chez le notaire aujourd'hui. Maître Bouin n'est pas à son étude, nous irons demain. Oui, demain, demain. Ou après-demain, dit tout bas Louis. Victor ne répondait pas, et toujours ce regard fixe. Le pauvre homme, retombé sur son banc, avait l'air écrasé d'une épave humaine après un naufrage. Naufrage d'une honnêteté, peut-être. On entendait toujours, le vent soufflait malignement, le rire heureux de Geneviève, et maintenant ce rire se rapprochait. Geneviève appelait Ribert. « C'est toi qu'on cherche, » dit Louis. « Moi ?» Victor parut sortir d'une stupeur soudaine. « Par ici, » dit Louis en élevant la voix. « Où cela ? Eh, que complotez-vous là ? » dit Geneviève en se montrant. « Vous savez que, si bien caché qu'on soit sous le tilleul, on peut être vu. » Elle avait fait, pour le dîner, une toilette ravissante. En apercevant sa femme, précipitamment, Victor glissa la lettre de l'oncle Ducret dans la poche intérieure de son paletot sur sa poitrine. Mais ce mouvement, Louis l'avait vu, si promptement. Ribert avait peur de cette femme. Peur ou honte ? Il n'y avait aucun danger à les laisser seuls, elle et lui. Victor ne trahirait pas le secret, maintenant. Le peintre en était sûr. Si Ribert eût été encore l'homme de tout à l'heure, il n'eût pas hésité, il eût dit à cette femme « Regarde, nous sommes ruinés. » Il n'osait pas, il hésitait. Bien. Geneviève, à présent, pouvait achever sans rien soupçonner, par tout le pouvoir de sa beauté, par sa coquetterie et par le sourire de sa lèvre, ce que lui, Louis, avait commencé. « Je vous laisse, » dit-il brusquement. « Ah, que vous êtes jolie et gracieuse et gentiment mise. » Elle était radieuse. « Merci, cousin. » Puis, se tournant vers Ribert, dans un rayonnement de soleil couchant qui dorait sa beauté d'un reflet rose. « Et, monsieur Ribert, comment me trouve-t-il » Lui, ébloui, la regardait, la trouvait belle, essayait de lui sourire quand à ses lèvres ne venaient que des sanglots qui l'étouffaient. Geneviève se mit à rire du beau rire clair de tout à l'heure. « Ah, comme personne au monde, n'est-ce pas, cousin Louis, personne, ne se méprendrait à tant de madrigaux. Et comme tout le monde dirait, « Oh, cet homme est bien le maître et seigneur de cette femme, puisqu'il ne trouve pas même un petit compliment à lui faire. Et moi, qui laisse là vos hôtes pour vous faire voir ma toilette, Marie, allez !» Pendant qu'elle parlait, Victor n'entendait que ces paroles tristes, amères, dites par elle autrefois, dans le salon de la rue de Châteaudun. « Vous ne m'aimez pas, puisque vous me condamnez à cette vie. Je suis lasse, je suis brisé, je suis à bout. » Elle l'a dit, songeait-il, elle l'a dit. À tout à l'heure, dit Louis. Il descendit à son tour, le sang aux yeux, les oreilles bourdonnantes, et de loin, apercevant Raymonde, là-bas, entre son père, Olivier Giraud et Edmond Lacoste. Ah, ce Ducret qui ferait épouser cet enfant-là, monsieur Giraud. Non, non, non. Olivier Giraud n'épousera pas Raymonde. Si lui le voulait, eh bien, tant pis, je ne le veux pas, moi. Et puis quoi? C'est bon d'être riche. On ne sait pas ce qui peut arriver. On devient un parti possible.